Ce vendredi, à la vie en BD. Du BD journalisme à la revengeance des duchesses, Zidara 9 lance un nouveau format, Nano, et retour sur Angoulême 2016. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Et cette semaine, on porte deux regards sur deux styles, deux univers bien différents. Deuxième partie, ce sera la bande dessinée de genre qui sera à l'honneur, alors que le magazine Zinard à 9, qui est déjà actif depuis quelques années déjà, passe à la vitesse supérieure, si on peut dire. Donc, nouvelle distribution, nouveau format. Alors, on en profite pour faire le point avec le fondateur du magazine, Rémi Paradis, et pour porter également un regard sur le contenu du volume 7 de Zidara 9, avec deux des auteurs qui sont mis de l'avant dans le dernier volume, donc Tarasque et David Gauthier. Ça sera en début de deuxième moitié d'émission. Également, dans quelques instants, on aura le plaisir d'échanger avec Bac, auteur BD de C'est pas facile d'être une fille, entre autres, qui pour 2016, pour bien commencer l'année, est devenue duchesse du quartier Saint-Roch dans un événement qui s'appelle La Revanche Vengeance des Duchesses, donc en parallèle, en off, si on peut dire, du Carnaval de Québec. Un événement pour lequel, sur le blog de l'événement, elle a réalisé une dizaine presque de BD reportages autour du quartier Saint-Roch. Alors, un changement de style, un changement d'approche pour elle. Alors, on porte un regard sur son travail derrière, justement, cette série de planches. Alors, c'est le menu pour aujourd'hui. Également, en fin d'émission, on fait un petit bilan d'Angoulême 2016 en compagnie du directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, Thomas-Louis Côté, qui était sur place. On va parler d'exposition, on va parler de controverses, on va parler de rencontres. Alors, c'est le menu pour l'édition d'aujourd'hui. Sinon, dans l'actualité BD, évidemment, on est encore en début d'année, c'est toujours le temps des récompenses, et notamment la troisième édition du prix de la BD de la FNAC de Belgique a récompensé le premier tome d'Undertaker de Ralph Meyers et Xavier Dorisson aux éditions d'Argo. Je vous rappelle évidemment l'histoire de ce très sympathique opus nous amène dans l'univers de Jonas Crow, croque-mort qui doit convoyer le cercueil d'un ancien mineur devenu millionnaire vers le filon qui fit autrefois sa fortune. Parallèlement, autre prix, celui des Cheminots 2015. Avec un peu de retard d'ailleurs, BD des Cheminots 2015 qui a dévoilé le nom de l'album lauréat. Il s'agit d'Irmina de Barbara Yelin chez Actes Sud. Irmina nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'est installée à Londres au milieu des années 30 pour suivre une formation de secrétaire bilingue. En raison du contexte politique, elle doit brusquement mettre fin à sa récente liaison amoureuse et rentrer précipitamment à Berlin dans l'espoir un jour de pouvoir repartir. Un album dont on avait déjà parlé d'ailleurs puisqu'il a été lauréat du prix Artemisia 2015. Dernier prix sur lequel on attire votre attention, il s'agit du prix Tournesol 2016. Vous vous rappelez peut-être ce prix, on en a parlé l'an dernier, qui récompense l'album de bande dessinée le plus écolo, le plus vert, qui a été paru au fil de l'année. Et donc pour 2015, il a été attribué à Derf Bagderf pour son Trashed aux éditions Ça et Là. Alors, un album, évidemment, on en a parlé largement et très positivement, qui relate son expérience douloureuse déboire, donc celle de Derf Bagderf, évidemment, dans un bled de l'Ohio. Une expérience du premier emploi d'un jeune, mais également une vision du tri et de l'élimination des déchets vus de l'intérieur. Dernier notule d'actualité, je le mentionne, puisqu'on parlera des autres controverses qui ont eu cours ces dernières semaines, évidemment, puisqu'on revient d'une pause d'une semaine ici à La Vie en BD. Si vous nous avez suivis sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD, vous avez vu, on a quand même pas mal relayé de ces controverses d'Angoulême, mais il y en a une autre aussi dont on ne parle parlera pas avec Thomas-Louis Côté en fin d'émission. C'est celle des Chevaliers des Arts et des Lettres. Elle a aussitôt annoncé en fait une liste de 8 créateurs et créatrices de bandes dessinées qui bénéficieraient d'une promotion exceptionnelle dans l'Ordre des Arts et des Lettres. Il s'agissait de Julie Marot, Chloé Cruchaudet, Aurélie Néret, Tanks, Marguerite Abouet, Christophe Blain, Mathieu Sapin et Riyad Satouf. Eh ben donc, il y a eu des réactions, des refus. Julie Marot, Chloé Cruchaudet, Tanks et Aurélie Néret ont dénoncé ces prix, ont refusé leurs insignes de Chevalier des Arts et des Lettres et ont dénoncé en fait ce qu'ils qualifient d'une tentative de récupération après la polémique du Festival d'Angoulême 2016 sur la place des femmes dans la bande dessinée. Alors voilà, comme quoi cette controverse continue de faire jaser et on l'espère aussi de faire réfléchir, puisque la question doit se poser. A-t-elle été bien posée? A-t-elle été assez rapidement posée? A-t-elle été bien suivie par la suite? L'avenir nous le dira, mais à tout le moins, on continue, nous, de suivre les réflexions du milieu de la bande dessinée. En musique, cette semaine, c'est la formation Arcardus qui nous accompagne. On écoute un premier extrait de leur album Singularity Point. Évidemment, les lecteurs de bandes dessinées ont pu mettre la main depuis ces dernières semaines sur une série de BD reportages autour de différents lieux du quartier Saint-Roch à Québec, création de l'auteur BD Bac. Ces planches qui ont été réalisées dans le contexte d'un événement intitulé La Revengeance des Duchesses, un événement que vous connaissez peut-être, qui en est déjà à plusieurs éditions à Québec. Et quelques minutes avant le couronnement de la reine 2016 de ce off carnaval, on discute justement avec Bac qui est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour. Alors, mais peut-être d'abord, commençons par une mise en contexte. Pour ceux qui ne connaissent pas La Revengeance des Duchesses, qu'est-ce que c'est? C'est une excellente question. Qu'est-ce que c'est La Revengeance? En fait, c'est un mouvement féministe qui présente une autre sorte de modèle de duchesse, en fait. On connaît bien les duchesses du carnaval, mais on avait envie de montrer un modèle différent, peut-être plus varié, du moins. Puis en fait, on a un blog où on raconte des choses sur notre quartier. Donc, voilà. Oui, c'est un peu l'action, en fait, clé de la gang de la Revengeance. C'est l'animation de ce blog-là à travers une différente approche, méthode. Il y a des événements aussi, des expositions. Le carnaval qui est peut-être un peu plus entrepreneurial. Donc, ce qui fait que de votre côté, c'est plus sur l'amour du quartier, sur le côté créatif, ouais. Le côté dynamique, dans le fond. C'est vrai. Oui, en effet, on pourrait dire, c'est ça, des duchesses créatives. Vu qu'il faut vraiment avoir un blog, écrire des articles, on a des gens qui font des vidéos, il y en a qui font des chansons, il y en a qui font de la poésie. Bon, j'ai fait de la BD, etc. Donc c'est sûr que oui, en effet, c'est une belle façon de le dire, que les duchesses du carnaval, c'est bien aussi, mais c'est plus sur le côté vente et tout, le entrepreneur. Voilà. Donc toi, tu vois, dans le fond, un événement de duchesse créative et féministe, tu te dis, j'ai envie de sauter là-dedans, de me lancer? Ben oui, ben moi ça fait déjà quelques années, que je suis La Revengeance, puis que j'avais envie de m'essayer. Puis cette année, ben je me suis dit j'avais pas assez de choses à faire. C'est pas vrai, je suis vraiment débordée. Mais je me disais j'avais envie de créer des bandes dessinées un peu différentes de ce que je fais d'habitude, de prouver que je pouvais faire aussi des choses un peu plus sérieuses. Avec un style vraiment à moi. Je me suis amusée, finalement, de parler de mon quartier que j'aime tant. Donc ça devenait un peu, côté BD, si on peut dire, pour toi, une opportunité d'exploration, d'expérimentation, en sachant en même temps que t'allais avoir des lecteurs, des lectrices, t'allais avoir nécessairement une rétroaction. puis hors du contexte habituel de ton Facebook, de ton blog, à proprement parler. C'est exactement ça. Puis j'avais vraiment envie de faire autre chose, en fait. C'était comme l'occasion de le faire. Puis je me suis vraiment séparée de ma page de bac illustration aussi. J'ai mis sur une autre page complètement en me disant, les gens qui veulent me suivre, venez-vous-en. Sinon, regardez, c'est vraiment autre chose complètement, là. Un autre personnage. Oui, puis en même temps, d'ailleurs, en fait, côté Duchesse, c'est pas bac Duchesse de Saint-Roch, c'est Estelle Bachelard. Donc, ton pseudonyme utilise ton vrai nom pour cette expérimentation-là. J'ai rendu à trois personnalités. Et donc, BD Reportage, mais en fait, pourquoi justement t'avais envie de casser un peu le moule habituel, d'aller explorer une autre forme de narration? Parce que reste qu'avec ce qu'on connaît de toi, c'est beaucoup de l'autofiction. Donc, il y a une question, il y a une dynamique, entre guillemets, reportage, mais sur ta vie personnelle, avec un regard humoristique. Et là, tu dis, ben OK, on va reporter ça sur les réalités des autres, des entrevues, une démarche quand même beaucoup plus journalistique, documentée, le reste. Ben, c'est vrai. Mais en fait, comme je dis, bon, j'habite dans le quartier Saint-Roch depuis déjà quelques années, puis ça m'a donné une excuse d'aller voir les gens dans le quartier, aller m'informer, tu sais, bon, je me promène dans des cafés que je vais tous les jours, puis j'ai jamais parlé aux gens qui travaillent là, vraiment. Donc, je me disais, parle-moi de ça, une bonne occasion pour aller leur parler des vrais problèmes du quartier ou les vraies choses intéressantes, parler du passé du quartier. Puis, oui, donc, quelque chose de... En fait, ce que je veux prouver que je suis capable de faire d'autres choses aussi, c'est un peu un défi personnel. Regardez, je suis capable de faire des choses un peu plus sérieuses, un style un peu plus réaliste. Donc voilà. Donc, ouais, une crainte d'enfant à la limite, une crainte de s'enliser ou d'être rapidement à un début de carrière éclatant, certes, mais d'être rapidement stéréotypé, dans ton trait, dans ton approche, dans ce que tu racontes. Ben oui, c'est ça. Ben déjà, bon, quand on regarde mes contrats d'illustration, de BD, souvent on va me chercher dans le même genre de contrat, dans les trucs plus féminins, les trucs avec des chats. Bon, j'adore ça, mais à un moment donné, je me dis, bon, ben j'aimerais ça montrer que je suis capable de faire d'autres choses, puis que... Justement, que je suis capable, là. Que... Oui, puis déjà, enfin, on t'avait vu, exemple dans Planche, par exemple, donc parler de féminisme plutôt que de féminité, si on peut dire, donc de faire le saut vers ce côté-là. Donc, il y avait, c'était déjà un peu la notion de vulgarisation à travers la BD, c'était déjà quelque chose que t'avais exploré sur les planches. Là. C'est vrai que ça a commencé un peu comme ça, puis je fais aussi les chroniques féministes dans la Gazette des femmes. Oui. Puis c'est ça, donc là, en fait, là j'avais comme le mouvement féministe de la revengeance, puis en plus, faire de la bande dessinée là-dedans, donc c'était comme parfait, c'était comme le meilleur des mondes. Mais côté dynamique de travail, donc là, on a trois types. On a l'autofiction, on a la BD de vulgarisation, si on peut dire thématique, puis vraiment, on tombe dans BD reportage. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a un des trois dans lequel Bach se retrouve peut-être un peu plus confortable? Est-ce que tu as eu des défis dans le BD reportage que tu n'avais pas pensé ou au contraire, qu'il y avait des similitudes d'un genre à l'autre que tu n'avais pas soupçonné non plus? Ce que j'ai trouvé un peu plus difficile, entre guillemets, c'est que parfois quand on interviewe les gens, parfois ils parlent pas ou des fois ils vont vraiment parler très longtemps. Puis c'est dans les deux cas ça peut bien fonctionner, c'est juste que quand tu arrives à faire la bande dessinée, tout ce que la personne a dit, ben là tu te ramasses à le mettre plus petit ou tu sais en bande dessinée, faut y aller beaucoup dans le dessin, mettre moins de texte, bon parce que si on met trop de texte, ça devient un roman finalement. Donc c'est ça, je me souviens particulièrement au café rencontre Jacques Dumont que vraiment ça a été une rencontre parfaite là, mais il m'a parlé pendant une heure et demie, mais je pouvais pas tout mettre malheureusement, il y avait plein de choses intéressantes sur le quartier puis j'ai pas pu mettre, donc je trouvais ça dommage. Donc vraiment le défi de raccourcir puis de simplifier, tu sais. OK, ouais. Oui, on parle beaucoup, en fait, de l'aspect synthétique de la BD. Déjà, d'un point de vue narratif, faut y aller, faut être succinct, faut être précis. Donc, dans ce contexte-là, ben, en plus, tu pars d'une source qui est pas toi-même. Donc, j'imagine qu'il y a toujours le défi de pas trahir la source, de pas trahir ton interlocuteur, mais au contraire, de réussir à mettre en valeur ce qu'il te dit. Oui, c'est ça. Puis, ça me rendait un peu nerveuse. Des fois, quand ça se rendait en ligne, je me disais, oh, j'espère que j'ai bien compris ce qu'il voulait dire, ou j'espère que j'ai mis les bonnes choses, que j'ai résumé les bons sujets. Parce que je me disais, bon, il m'a dit plein de choses, mais peut-être qu'il aurait préféré que je parle de ça plutôt que de ça. Mais bon, en même temps, je me disais, bon, faut l'assumer. Puis le faire. C'est le travail du journalisme, d'une certaine façon, c'est de faire ces choix-là, de choisir ton angle, de choisir... Puis c'est un peu tes premières armes dans ce registre-là? En termes de journalisme à proprement parler, même si on pourrait dire du soft journalism, parce que on va chercher des témoignages, on va chercher des gens, c'est pas de journaliste de confrontation, reste que... Mais j'ai adoré ça, vraiment, je ferais ça tout le temps, là. S'il y a un journaliste qui me veut, là, je vais le prendre. J'ai vraiment aimé ça, interviewer les gens, puis particulièrement de mon quartier, de m'intéresser à qu'est-ce qui se passait, justement, dans le passé, quand il y avait avait le Mike Saint-Roch, puis c'est quoi la réalité des gens du quartier, puis bon, toutes sortes de choses vraiment intéressantes. Vraiment, je le ferai pour toute la ville, là. J'ai vraiment trippé. Et en termes de structure, en fait, on parlait tantôt du discours, justement, des gens qui peuvent parfois long, parfois plus court, mais toi, dans tes planches, tu choisis vraiment de mettre la parole de tes interlocuteurs à l'avant-plan. C'est, à la limite, y a pas, c'est pas une trame narrative, c'est plus un extrait d'entrevue, si on peut dire, ou un collage avec quelques éléments pour se situer visuellement. Pourquoi tu as choisi cette approche-là? La vraie réponse, c'est que j'avais pas tant de temps. Donc... Non, mais en fait, je trouvais ça intéressant de donner l'impression que les gens étaient vraiment dans l'entrevue avec moi, puis qu'on prenait quelques moments de l'interview avec vraiment des sujets. J'avais vraiment des, j'avais 5 questions très particulières, par exemple l'anecdote, par exemple pourquoi avoir choisi le quartier Saint-Roch, tu sais, des questions comme ça. Donc c'est sûr que c'est ça la trame de base, c'est qu'ils ont toutes les mêmes questions en fait. Donc c'est sûr que on le voit pas nécessairement puisque la question est pas écrite au-dessus de la question de la réponse, mais donc c'est un peu ça la trame de base en fait là. Donc ça donne peut-être l'impression que c'est vraiment que du dialogue et un peu pêle-mêle là, mais il y avait une base. Puis duquel t'as choisi dans lequel t'as choisi de pas te mettre en scène, à part au premier à la dernière planche de cette série d'une dizaine de planches, mais sinon pour les entrevues c'est que l'auteur qui est présent. Ton côté à la limite c'est tu n'es là que par le dessin. Oui, en effet, c'est vrai, de temps en temps on voit dans les images de fond que on, parce que j'avais mon amie Émilie qui était avec moi, qui prenait des photos, qui prenait des notes avec moi pour les interviews. On était deux. Puis ça, elle a pris des photos où j'étais là en train d'interviewer une personne. Donc finalement, j'ai comme redessiné la scène. Donc on me voit de temps en temps là. Mais c'est vrai que je me suis pas vraiment impliquée comme personnage. Puis ça fait du bien un peu. Il y a juste à la fin, je pense les deux derniers, j'ai écrit commentaire de la duchesse. Ça, c'est une chose que j'aurais dû faire dès le début. J'aimais ça, ce petit côté-là de pourquoi j'ai choisi ça, puis aller manger la tarte à la lime du Home Prana, c'est vraiment, vraiment bon. Et quand tu vas les rééditer, tu vas rajouter des commentaires pour ouais, les c'est autres. Ça. C'est ça, je l'édite. Et justement, mais côté préparation, première chose, sélection des lieux. Donc, t'en as retenu 8. Comment s'est fait un peu le choix? Parce qu'en fait, en même temps, en lien avec le thème que tu t'es donné pour ce blog-là, qui est la beauté dans la diversité. Oui. Ben, à la base, mon concept, c'était de faire des portraits croisés. Puis je voulais vraiment prendre, tu sais, c'est ça l'affaire du quartier Saint-Roch, c'est que c'est diversifié, mais c'est très contrasté. On a vraiment des choses très trendy, très à la mode, mais on a des choses vraiment trash aussi, tu sais. On veut pas, on boit un café à 10$ d'un côté de la rue, puis l'autre bord, il y a quelqu'un qui quête, tu sais. C'est un peu ça la réalité du quartier. Donc au début, je voulais vraiment faire des portraits croisés. Finalement, ça a terminé en un peu toutes sortes de un peu pas n'importe comment, mais c'était moins croisé. Mais c'est ça, on le voit, par exemple, je parle du Maelstrom qui sert des cocktails plus fancy, mais après je parle du Dauphin qui est vraiment une autre réalité, où je vais parler du Pantoute avec le Knockout. Tu sais, c'est vraiment c'est deux réalités du quartier. Donc c'était un peu ça le but de mes choix d'endroit. D'avoir un équilibre en fait. Ouais. Puis en même temps, quand on va au café Rencontre, ben, on découvre aussi toute l'autre facette de Saint-Roch, le côté plus invisible que qu'on cherche même parfois un peu à cacher. C'est beaucoup la critique principale qu'on donne à Saint-Roch, c'est qu'on cache cette diversité-là. Exactement. Ben j'avais envie de parler de beaux endroits de Saint-Roch, mais je me trouvais un peu hypocrite de pas parler des vrais enjeux du quartier. Je me disais oui, c'est bien beau de parler des choses qui sont hors de prix, qui sont vraiment le fun. Là. Je veux dire, genre, je suis une cliente de Saint-Roch. Bon, mais c'est ça, je me trouvais un peu hypocrite de pas parler de ça, des vraiment les gens dans la rue, le café Rencontre qui servent 90 000 repas par année. Oui, mais en fait, tu dis des beaux endroits du quartier. Je veux dire, pour moi, le café Rencontre, c'en est un. Je veux dire, la solidarité qu'il y a là, c'est hallucinant. C'est incroyable. Et qui réussissent à rester dans le quartier aussi parce que ils ont failli se faire pousser à quelques reprises. Oui, mais c'est ça, à la base, ils ont eu de la difficulté parce que les commerces, tu sais, c'était le nouveau Saint-Roch, puis les commerces autour avaient peur d'avoir une soupe populaire l'autre côté de la rue. Puis finalement, ben oui, ils sont encore là, puis c'est des gens incroyables, là. C'est tellement des bonnes personnes. Là, bravo, là. Tu sors de... Quand je suis allée là, puis je suis sortie après, puis je me disais, waouh, il y a vraiment des gens dans la vie, là, c'est bravo. Et je t'ai tombé dans une entrevue, je pensais sur Mont-Saint-Roch, où tu disais dans les lieux aussi que t'avais peut-être surpris, puis il y avait justement le Dauphin, la dynamique que t'avais trouvée là, puis l'esprit des gens aussi, des clientes, des propriétaires. Je pense que ça a été mon entrevue vraiment préférée, parce que je suis allée là en après-midi, justement, encore avec mon amie Émilie, puis on est arrivé là vers 3h l'après-midi, en se disant, bon, il va y avoir peut-être une serveuse, quelqu'un un peu perdu, mais ça va être tout, mais c'était même plus plein que quand il est 9h le soir là, c'était, puis les gens étaient gentils, sympathiques, le monde répondait à mes questions, les gens me racontaient des anecdotes. En fait, ça a été dur de s'en aller parce que le monde aimait ça nous parler, mais oui, c'était vraiment ça montrait vraiment la belle image de Saint-Roch, les vrais gens, tu sais, qui sont là depuis toujours, puis Ils vont toujours être là, tu sais. Oui, puis avec en fait une dynamique où j'ai l'impression des lieux comme ça, soit on peut les regarder de haut, de loin, un peu snob, ou soit on peut se lancer dedans, puis c'est là peut-être qu'on va réussir justement à capter l'essence de ces endroits-là en les vivant, mais avec sincérité dans le oui, fond. C'est ça, puis dire aux gens, regardez, parce que des fois les gens ont l'impression que justement le dauphin c'est un peu trash, donc ils vont, on va pas là, mais pourtant moi je vais au karaoké presque tout le temps là-bas, tu sais. Je veux dire, c'est pas parce que ça a l'air un peu bizarre que les gens sont pas gentils, puis que tu peux pas avoir du fun là-bas, là, tu sais. Après tout, les bières sont pas chères. Puis en fait, comme tu disais, entre le knock-out et le dauphin, il y a deux réalités, deux mondes, entre le nectar puis le café rencontre, etc. À travers ça, ben dans le fond, comment les gens ont reçu un peu aussi cette invitation-là? Est-ce qu'il a fallu que tu lances beaucoup de perches ou t'as eu les 8 lieux que tu voulais voir? J'ai eu les lieux que je voulais, ouais. J'ai été bien chanceuse, j'étais contente. Je me disais peut-être que les gens voudront pas, tu sais, mais finalement... Tout le monde était très gentil, tout le monde a pris le temps de me répondre. Puis quand les gens arrivent, ben des reportages, est-ce que les gens commencent à connaître déjà peut-être un peu plus? Ben les gens, je sais pas s'ils ont vraiment compris en général lorsque je disais bon, je vais prendre quelques photos, mais je dis là vous allez être que dessiner, là, c'est vraiment une bande dessinée. Puis je sais pas s'ils ont vraiment compris sur le coup. J'espère que maintenant quand ils ont vu ça, ça les a inspirés, en tout cas, du moins, à lire peut-être d'autres choses dans le même genre. Puis toi, est-ce que, côté lecture, t'as essayé aussi d'aller voir un peu qu'est-ce que d'autres faisaient? Est-ce que c'est un médium que tu lisais déjà pas mal avant de décider de t'essayer? De la BD reportage, c'est sûr que j'en ai lu beaucoup. Je me suis pas inspirée particulièrement. Honnêtement, je suis vraiment allée on the flow, là. Vraiment, OK, je me lance, je fais ça, puis bon... Puis en même temps, en fait, j'aimais bien la première planche aussi où tu nous parles un peu de ton histoire avec le quartier. Je me disais en même temps, pour les gens qui te connaissent comme Bach, l'auteur, plutôt qu'Estelle Bachelard, la duchesse, ben ça permet peut-être un peu de faire le pont avec les deux. C'est pas facile d'être une fille où tu racontes essentiellement ton histoire d'amour, ton mariage avec ton chum de l'époque, ton mari d'aujourd'hui. Puis tu nous dis, mais finalement, regardez, pour moi, le quartier Saint-Roch, c'est justement les moments de cette histoire-là parce que pour l'essentiel, à part le voyage de noces, ils ont pas mal été vécus là. Tu sais, il y a vraiment une signification pour moi dans le quartier. Tout s'est passé là. C'est comme je le montre sur la carte, je trouvais ça drôle. On dirait juste en le dessinant, je me disais, oh, j'avais pas réalisé à quel point tout s'est passé dans le même coin de rue. Il y a vraiment quelque chose de particulier, c'est ça. Mais le premier article, ça, c'était l'article qui faisait, quand on s'inscrit comme duchesse, on a un formulaire à remplir. Puis on doit écrire un texte de je sais plus combien de mots sur notre quartier. Puis en fait, c'est notre texte. Tous les premiers articles, c'est notre texte de d'embauche, on veut. Puis c'est ça, donc moi, je l'ai mis en BD, là, donc c'est ça. Et suite à celui-là, suite à la série de rencontres, est-ce que le regard sur ton quartier évolué a changé? Ben, je l'aime encore plus, ça, c'est sûr. J'ai vu peut-être d'une autre façon où je suis allée plus en profondeur dans l'histoire du quartier, puis le vécu des gens dans le quartier aussi, donc... Oui, c'est sûr, je l'aime plus. Et comme on le disait à l'entrée de l'entrevue, dans quelques instants, tu t'en vas au couronnement. C'est le terme de la revengeance. Pour ceux qui écoutent l'entrevue, qui disent « Ouais, mais j'aurais voulu lire les trucs », les 10 notes, ils sont pour la postérité sur le web, revengeanceduchesse.com, ou chercher « Revengeance des Duchesses » sur Google. Après ça, choisissez Estelle Bachelard, vous allez voir la dizaine de planches. Mais de ton côté, si tu avais un bilan à faire de cette expérience-là, c'est quand même un 2 semaines assez intensif. Qu'est-ce que t'en retiens de ton expérience de duchesse de Saint-Roch? Oui, ben je suis vraiment contente, puis j'aimerais ça que ça dure éternellement. Je suis épuisée, là, mais on est toutes vraiment tristes que ça se termine, en fait, parce que c'était 2 semaines intensives, mais passionnantes, puis on a toutes découvert notre quartier d'une autre façon. On a vraiment toutes trippé, puis c'est ça, moi aussi, j'aimerais ça continuer, puis j'aimerais ça faire encore des articles, puis encore découvrir mon quartier, avoir une excuse pour aller parler aux gens. Je pourrais continuer. Hey, bonjour, je fais une BD, puis c'est pas vrai. T'sais. Mais c'est ça, ben ça m'a permis aussi justement d'explorer un autre style de mon côté, puis je suis bien contente. Ben Bach, merci. Merci beaucoup. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous, je rappelle, jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle également que vous pouvez trouver l'ensemble des émissions en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. On passe maintenant à quelques petits commentaires BD des albums sur lesquels j'ai eu l'occasion de m'attarder ces derniers jours, notamment le tome 2 d'Astrid de Bromure, à comment atomiser les fantômes. Alors, chouette album, d'ailleurs, il faut le dire. Un peu de découverte pour moi de ce côté, chez Rue de Sèvres, donc Astrid de Bromure, une gamine qui vient d'une famille de riches, extrêmement riches, donc il n'y a pas de soucis, si on peut dire, matériels, et qui vit des différentes situations avec un brin de naïveté, avec un brin de curiosité également. Donc un personnage qui est de manière générale fort sympathique et qui d'emblée dans ce premier tome se retrouve un peu fatigué d'être à l'école à domicile avec son institutrice, sa préceptrice au bout du compte, et qui demande à son gentil papa de pouvoir aller à une école avec d'autres amis, d'autres enfants, dans un pensionnat extrêmment onéreux, en fait 300 000 $ par mois. Mais au moins, nous dit-on, c'est la garantie d'une instruction de qualité. Alors son père, évidemment, dit, mais regardez, à ce prix-là, c'est certain que ça va être des gentils enfants. Vas-y, il n'y a pas de problème. Et là, il se retrouve dans cette école-là, commence à se lier d'amitié avec certains. Évidemment, c'est chronique un peu du secondaire ou du primaire. En fait, bref, donc quand on est de trop bonnes notes, peut-être qu'on est moins apprécié. Quand on n'est pas très bon au gymnase, peut-être qu'on est un peu moins apprécié. Donc, cette dynamique-là est présente, et en parallèle, il y a une histoire de fantômes aussi qu'on découvre au fil des pages, donc le collège lui-même qui serait potentiellement hanté. Alors, un point de départ quand même assez sympathique, une suite assez à la fois classique et sympathique, où on réussit peut-être à jouer un peu avec les stéréotypes, avec les éléments incontournables, pour peut-être nous surprendre un peu, prendre un peu à contre-pied certains éléments. Un petit côté évidemment à la Harry Potter dans l'univers qu'on vient placer, donc le château, les fantômes réels ou fantasmés. Évidemment, c'est présent, mais c'est pas l'élément en cœur de tout ça. Donc c'est une histoire de Fabrice Parme qui puise dans son expérience, qui puise dans sa créativité pour vraiment installer ses rebondissements, installer son univers, installer sa protagoniste dans un graphique qui est fort adéquat, qui est riche à sa façon, qui est clair, qui est... En fait, je veux dire, c'est un album qui est vraiment sympathique, vivant, truculent, si je voulais sortir un terme peut-être un peu plus rigolo. Un graphique très stylisé, voilà le terme que je cherchais tout à l'heure. Alors, voilà, en fait, une série jeunesse, et si vous cherchez en même temps des séries jeunesse avec des héroïnes, ça peut être une découverte fort intéressante pour vous. On en est déjà au deuxième tome, espérons évidemment que ça puisse poursuivre au-delà. Alors ça, c'est Astrid Bromure de Fabrice Parme, c'est chez Rue de Sèvres, le tome 2, qui est arrivé tout récemment. Et autre série à caractère un brin jeunesse qui, à certains égards, peuvent nous faire penser, si on cherche des références à Miyazaki, et à certains égards seulement. Donc c'est Yin et le Dragon, le tome 1 d'une série annoncée. Donc on se retrouve à Shanghai en 1937. La petite Yin vit avec son grand-père. Ses parents sont décédés. Son grand-père est pêcheur. Et elle vit certaines difficultés, eux vivent certaines difficultés, et à un moment donné, n'ont d'autre choix que d'aller pêcher un soir de brouillard. La petite fille, qui habituellement n'est pas bienvenue dans le bateau, choisit ce soir-là, évidemment, pour désobéir à son grand-père. Et au fil de cette pêche, ils prennent dans leur filet, en fait, un dragon magique. Et la petite fille, disant, mais regardez, c'est des animaux magiques, il faut pas les détruire, le ramène à la maison. Et en parallèle de cette histoire un peu de réalisme fantastique, si on peut dire, il y a aussi toute cette dynamique de l'invasion par le Japon de Shanghai, donc une dynamique très militaire qui vient joindre un peu les pages, apporter certains éléments de tension, au travers aussi de cette attente, si on peut dire, face à ce dragon qui revient peu à peu à la vie et qui, au terme de l'album, en vient dévoiler ses intentions. Donc, un album qui visuellement est très riche, c'est très beau, c'est un graphisme qui est très réaliste, qui se prête justement très bien à l'ambiance magique, onirique du récit. Je pense que ça vient bien complémenter justement cet aspect et nous permettre d'accepter facilement les éléments magiques de cette histoire, somme toute historique, somme toute très réaliste. Donc une histoire évidemment avec une amorce classique, donc celle de l'orpheline un peu expiègle qui se tire des déboires que la vie lui amène avec son vieux grand-papa et le reste, mais justement, on réussit un peu, et c'est ce qui vient peut-être nous surprendre et nous faire apprécier d'autant plus ce récit-là, c'est qu'au fur et à mesure qu'on approche de ce premier dénouement, de cette première étape, on joue un peu avec les stéréotypes auxquels on se serait peut-être attendu, donc on évite l'attendu pour nous surprendre un brin, mais de manière réaliste. Donc c'est une trilogie bien dessinée par le chinois Yao Xu, des images entre manga et franco-belge qui sont très réussies et évidemment avec un scénario qui est également fort efficace. Alors ben voilà, donc ça c'est Yin et le dragon, créature céleste. Encore là, si vous avez l'occasion de le feuilleter, faites-le. Vous trouverez peut-être quelque chose d'intéressant pour vous. Alors voilà, on retourne en musique toujours avec Arcadius et Singularity Point. On écoute un nouvel extrait. Toujours sur les ondes du 89.1 CKRL, on poursuit les regards sur le 9e art et on porte maintenant notre attention vers l'univers de la science-fiction de publication qu'on suit évidemment ici à la VMBD depuis que l'émission a démarré, presque démarré d'ailleurs en même temps que la revue à quelques mois près. Et donc le magazine Zidara 9 en est déjà à sa 7e publication et à l'aube de sa 7e, un virage également sur le plan de la distribution, un nouveau format également, tout ça dans l'expectative d'aller rejoindre toujours plus de gens, d'aller convaincre toujours plus de gens également de continuer à suivre cette publication consacrée à la science-fiction, également consacrée à, en bonne partie à la relève. Alors pour parler de ce format, donc Zidara 9 Nano, pour parler également du volume 7, on est en compagnie tout d'abord du fondateur du magazine, Rémi Paradis, bonjour. Bonjour, bonjour. Également deux auteurs qui sont présents dans le volume 7, Tarasque, bonjour. Bonjour. Et David Gauthier, bonjour. Bonjour. Alors peut-être, premièrement, je disais, Rémi Paradis, que Zidara 9 Nano, c'est une nouvelle étape pour la publication. C'est un second départ, peut-être un second souffle, on pourrait dire même. Oui, oui, c'est carrément un nouveau format, plus magazine. Avant, c'était vrai un recueil relié. Puis ça fait en sorte que, je veux dire, le produit est moins cher à produire côté impression. Puis je peux en imprimer plus. Donc, j'ai tout de suite été voir un distributeur. Puis là, il est rendu en vente dans plus de points de vente. Donc, dans ceux que j'ai réussi à convaincre, vu que c'est un magazine, il se retrouve dans les tabagies, les dépanneurs, des trucs comme ça. Donc, un peu partout dans la province de Québec. Donc, c'est vraiment en fait, on va rejoindre encore plus de public. Je pense qu'on parle à peu près 300 points de vente. Et effectivement, on élargit beaucoup ce qui avait été effectué distribution avec les 6 premiers. Oui, c'est comme plus de 400 points de vente. Mais aujourd'hui, c'est quand même difficile. Je veux dire, les dépanneurs, ça ne veut pas dire qu'ils vont les mettre en vente quand même. En tout cas, mais je m'essaye quand même. C'est vraiment pour rendre le produit plus accessible. Puis n'importe qui peut l'avoir aujourd'hui, en tout cas. Qu'est-ce qui a fait justement se dire, il faut aller chercher un nouveau modèle, il faut aller chercher une distribution plus large? Est-ce qu'on avait l'impression que Zidara 9 était rendu à cette étape-là? Oui, ben je veux dire, on s'est comme amélioré avec le temps, puis il y a eu comme plus d'auteurs qui ont embarqué dans le projet, comme David et Taras, qui est en fait Jean-Michel Guérin. Puis chacun est venu amener quelque chose de différent, un certain avec son style ou ses histoires assez spéciales. Enfin, il y a un côté collectif en fait, qui s'est installé avec les années, de l'initiative au départ de toi et Mathéo, et éventuellement c'est devenu en fait un collectif d'auteurs qui gravitent un peu autour de l'univers d'Isidore Neuf, avec différents autres qui viennent s'ajouter aussi au fil des publications. Oui, c'est ça. Ben, ça se renouvelle, puis ça l'a élargi carrément, que ce soit juste de la science-fiction. Chacun amène soit des thèmes personnels, comme David, là. Ouais, ben, c'est vrai que plus ça va, puis plus on rencontre de nouveaux auteurs, plus on se relance, plus on est capable d'échanger, puis finalement de devenir meilleur en passant par Isidore. Moi, c'est un des trucs que j'aime avec pour qu'est-ce qui est de l'aspect collectif, là. C'est vraiment comme Tarasque, avec qui on faisait des puis Draco, avec qui on faisait des comic jams, ben là maintenant il embarque là-dedans aussi, puis là ben on est capable de voir comment ils s'en sortent au niveau science-fiction, parce que c'est nouveau, hein, la science-fiction. Honnêtement, oui, c'est nouveau. ben dans mon intérêt personnel, j'adore la science-fiction depuis que je suis jeune, alors c'est sûr que c'est pas nouveau dans un sens, mais en termes créatifs, oui, c'est pas un élément qu'on a touché bien beaucoup, parce qu'on a eu beaucoup plus d'influence durant l'adolescence avec le médiéval fantastique, ou majoritairement tout ce qui était un peu comédie, ou tout ce qui nous touchait en littérature, en BD, en cinéma. Mais c'est sûr que la science-fiction a toujours été une grande part dans ma jeunesse, là. Mais ça nous a permis quand même d'essayer quelque chose qu'on pensait pas faire dans Isidore Neuf, surtout avec des espèces d'animaux. Parfait, ça devient un peu pour les auteurs une possibilité d'expérimenter, d'explorer, de développer son style, toujours en ayant justement le bénéfice de la publication. On dépasse un peu, entre guillemets, le web. J'imagine que ça permet aussi de se faire connaître, de se... Ah oui, ben c'est depuis que ça a été mis en vente, en tout cas j'ai vu des modifications sur mon Facebook où je vois qu'il y a plus de gens qui se sont abonnés depuis les derniers jours, là. Ça fait que je pense qu'il y a peut-être une corrélation à faire. Et justement, est-ce qu'on a l'impression, je parlais d'éléments d'expérimentation, est-ce qu'on a une belle liberté dans la mesure où on respecte le côté de genre, le côté science-fiction, mais il n'y a pas nécessairement de ligne éditoriale au-delà du style? Et que ça donne une belle liberté pour les auteurs, justement, d'explorer, d'expérimenter, d'oser. Ah, ça, c'est clair. C'est un terrain de jeu, ça. Pour un auteur, c'est... Si on a, disons, des bons standards de qualité, mais après ça, Rémi, lui, est ouvert à pratiquement n'importe quoi tant que ça traite de la science-fiction. Oui. Mais j'ai même essayé autre chose. Je veux dire, j'ai imposé une thématique quand c'était l'Halloween, qui était l'horreur, pour aller chercher quelque chose d'autre. Puis c'était très relié à la science-fiction. Puis parce que, je veux dire, quand on pense à l'horreur, ben souvent c'est comme des trucs de Frankenstein, comme des savants fous, ou ben des zombies, ça c'est aussi de la science-fiction. Donc les deux étaient intimement reliés, puis c'est pour ça que j'ai comme choisi à ce moment-là d'imposer ça un peu pour un numéro à chaque année. Puis ça va être aussi le prochain numéro qui va sortir le mois prochain. Puis c'est un numéro d'horreur, donc... Donc on en profite justement pour casser un peu les moules ou pour se donner des excuses de s'éclater différemment. Oui. Puis en même temps, de savoir justement qu'avec le volume 7, on s'en va avec un nouveau réseau, avec plus de distribution, est-ce que ça met un peu une pression additionnelle sur l'éditeur ou sur les auteurs pour dire, ben OK, on a une nouvelle première impression à faire? Ou est-ce que justement, comme on est constamment en contexte découverte, on est constamment en contexte première impression... Ouais, je pense qu'on est plus toujours en contexte première exploration. De mon côté, c'est toujours de la terre inconnue à toutes les fois, mais je dirais que le gros avantage pour qu'est-ce qui est du Isidore Neuf Nano, c'est au niveau de la distribution, puis juste pour... parce qu'avant, c'était une BD qui était principalement événementielle, puis je dirais qu'en tant qu'auteur, pour la famille puis les proches, maintenant être capable de trouver facilement ces bandes dessinées-là, là, c'est tout un gros avantage. C'est le moteur, en fait. Veux pas, faut être trouvé pour être lu. Oui. Sinon, au fil des salons du livre, il y a quand même c'est une dynamique de bâton de pèlerin, sinon presque, pour le faire découvrir aussi, puis pour le faire connaître. Puis je voulais vraiment sortir de ce carcan-là, d'une BD événementielle, comme pour des festivals ou des salons du livre, parce que je pense que c'était tout le temps un prétexte pour sortir un numéro, tandis que là, c'est autre chose, en tout cas. Ouais. Et évidemment, avec le volume 7, donc on découvre des nouvelles histoires, des nouvelles propositions. De ton côté, Taras, que tu le mentionnais, toi et ton frère Draco, vous entraînez dans une histoire un peu ambiance Star Trek avec un humour tendance absurde. Pourquoi avoir choisi un peu cette piste-là? Est-ce que c'est la première référence qui vous a flashé? Ben, Star Trek est une base de ce qu'on a fait, mais aussi principalement, c'est l'idée qui m'est venue avant de me dire que si je fais une histoire d'animaux. Dans l'espace avec un style Star Trek, c'était plus on regarde ce qu'on a fait avant ou ce qu'on a écouté avant comme une série TV que j'écoutais quand j'étais jeune qui s'appelait Bucky Hawk. C'était des animaux dans l'espace, c'est ça que j'avais beaucoup trippé quand j'étais jeune. Il y a un jeu vidéo que je jouais beaucoup étant adolescent, Star Fox 64. Alors, tu sais, ces éléments-là revenaient beaucoup dans ce style-là de science-fiction, puis on avait déjà créé des personnages dans le coin des années 2011 pour un petit groupe de BDistes de pire en pire, qu'on a fait une petite BD très, très court avec eux autres, puis on a voulu profiter de cette occasion-là avec Zideronov de pouvoir les reprendre, mais dans un setup plus science-fiction, puis y aller avec tous les intérêts que j'avais, puis même y aller avec un petit côté dans une guest-spread chez vous en plus. Alors, j'ai beaucoup d'influence vers ça. Oui, puis au fil des influences, ben, dans le fond, on crée un peu notre style, notre signature, si on peut dire. Ouais, absolument. On est allé pêcher un peu partout en plus pour créer les caractères, les personnages. On n'est pas allé nécessairement en disant « Bon, je vais écouter un épisode dans une guest-spread chez vous. Je vais réécouter des vieux épisodes de Star Trek. » On est vraiment allé « Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait comme délire? » On pitche les idées, puis on met ça sur la table, puis on espère que ça va s'aligner quand même quelque chose de cohérent, malgré l'absurde qu'on y met là-dessus. Et avec l'animalier, j'ai l'impression que ça donne déjà aussi, surtout dans un contexte d'histoire courte, mais ben, veux pas, si le capitaine c'est un lion, ben, j'ai déjà une attente, j'ai déjà une idée préconçue, si on peut dire, par rapport à ce personnage-là, le courage et le reste, les archétypes, et en même temps, ça permet, j'imagine, comme scénariste, soit d'embrasser ces archétypes-là pour vraiment caractériser le personnage rapidement, ou soit au contraire, de jouer justement à contre-pied avec les attentes qu'on aurait par rapport, exemple, au lion qui finalement est un couard, etc. Mais en même temps, j'y vais dans les deux sens, parce que la première idée qui m'est venue en créant ces personnages-là, c'était plus un archétype symbole héraldique. Je me suis pas mal basé sur ces idées-là en premier lieu pour créer ces personnages-là. J'ai un griffon, un lion, une licorne, puis une salamandre. Alors, on s'est basé principalement sur ces idées-là. Et après, on a comme décidé de prendre les bases de ces personnages-là, mais après ça, on a rajouté des petits défauts, des petites qualités. Il faut juste pour mener à... Je savais pas qu'il y avait un lien encore avec l'univers fantastique médiéval. Il y a toujours un lien avec l'univers médiéval fantastique. En fait, c'était pas au début, les héros, c'était pas des personnages principalement pour la science-fiction. On voulait les utiliser pour n'importe quel style. Okay. Mais là, quand on avait une occasion avec Zideronov, ben, c'était comme si c'était la science-fiction, mais on fallait le mettre en termes de science-fiction. Alors, on a décidé d'y aller jusqu'au bout de notre folie. Puis on a décidé, bon, ben, ce personnage-là va faire ça, lui va être commandant, puis ils vont affronter un criminel qui s'appelle Monsieur Le Chat. Alors, ça c'est plus... Lui, il n'est pas réalisé avec lui. Non, pas pantoute. C'est une idée qui est venue simplement pour... en fait, c'est un des amis du roman secondaire. Il appelait son chat Monsieur Le Chat, puis je trouvais ça tellement simple que j'ai comme décidé de reprendre ça puis le mettre en avant pour le plaisir. Là. Je voulais prendre quelque chose quand même de très simple comme antagonisme, mais que les personnages soient plus intéressant face à ça. Et de ton côté, David Gauthier, oui. Avec une histoire qui s'appelle Sekushina, dans le volume 7, tu nous amènes dans l'univers geek, dans l'univers des cartes à collectionner, de leurs collectionneurs. Oui, oui, ben c'est un récit un peu qui va traiter de la solitude de certains geeks, puis les produits de consommation qui vont servir à compenser, puis même à exploiter un peu cette solitude-là, parce que finalement, ils collectionnent des cartes, puis le seul argument de vente qui a vraiment d'intéressant dessus, c'est qu'il y a des poitrines généreuses. Ça fait que là, ben, ils collectionnent, puis un peu c'est la réflexion, la relation aussi qu'il va avoir avec son vendeur, puis qu'est-ce qu'il cherche à combler, puis... Et à travers ça, en fait, il y a toute une dimension aussi avec les médias sociaux. L'idée, en fait, que ces espoirs, ces tristesses, on les expose publiquement. Évidemment, ça peut aussi porter à conséquence, on peut oui, dire. Oui. Ça, sans trop en dévoiler. Là. Sans trop en dévoiler, oui, ça joue. Là. Qu'est-ce qui t'envoyait un peu vers ces pistes-là? Je sais pas, la plupart de mes histoires que j'ai dans Isidore 9, puis en général, c'est des flashs. Et je me réveille au milieu de la nuit, puis là, ah ouais, ça ferait un bon petit scénario. Ça fait que je me lève, je le prends en note, puis ça fait que j'aurais de la misère à expliquer, mais c'est clair que c'est probablement le fruit de plusieurs réflexions inconscientes qui se passent dans ma tête, puis là, tout d'un coup, hop, ah oui. Finalement, je pense que j'ai une réflexion sur la solitude de certains geeks, l'exploitation de cette solitude-là par des produits, puis justement tout le côté médias sociaux, qu'est-ce qu'on dit, puis qu'on devrait peut-être pas dire, puis comment est-ce que finalement ça peut être utilisé par d'autres gens pour aller chercher ça, cette solitude-là. Puis avec une ambiance un peu comme dans Le Poids du vide, où tu découvres un personnage qui cherche à changer les choses, mais que finalement, bon, il n'y arrive pas vraiment, mais il y a comme de l'espoir, mais sans avoir vraiment d'espoir. Je trouvais qu'il y avait un peu cette dynamique-là aussi, d'espoir sans espoir. L'espoir, c'est quelque chose... J'ai de la misère à croire en l'espoir, là. Mais oui, on peut retrouver quelque part une volonté de changer, mais c'est je dirais que c'est pas sur... Dans Le Poids du vide, c'est vraiment c'est changer le monde, c'est gros, mais là, ça va peut-être plus être au niveau de changer l'individu, puis de travailler sur soi-même pour être meilleur. Puis on parlait de contextes assez différents. En fait, Rémi, j'imagine, tu vas être d'accord avec moi. D'un côté, il y en a un qui a décidé de se faire des batailles galactiques et l'autre a décidé de faire une conversation de comptoir. Donc, deux modes de mise en scène et deux rythmes qui sont radicalement différents aussi. Je pense que ça illustre bien la variété que tu mets de l'avant dans Isidore 9. Oui. Ben, il y a aussi Yann Brouillette, qu'on n'a pas parlé, qui à chaque fois ramène son lot d'histoires avec des dessinateurs variés. Lui, c'est un côté très humoristique, pas nécessairement comme Taras, mais plus différent, mais avec son style, puis qui est très punché aussi dans ses finales, là, puis ses rebondissements. Là. Alors, ben, en fait, on incite les gens justement à aller jeter un coup d'œil à ce volume 7, donc de Isidore 9 Nano, qui est disponible très largement. Donc, on dépasse le côté événementiel, comme on le disait tout à l'heure. Et évidemment, pour avoir aussi plus d'informations, en cherchant simplement sur Google Isidore 9, on va tomber sur le site. C'est disponible aussi en ligne. Donc, voilà. On lance l'invitation. Rémi Paradis, Tarasque, David Gauthier, merci à vous trois. Merci. Puis à la prochaine. À la prochaine. Et nous, on retourne toujours en musique avec notre sélection de la semaine. Dernière ligne droite de la vie en BD. Je rappelle l'émission dédiée au 9e art, toujours diffusée de 17h30 à 18h30. Et au bout du fil, maintenant, on a le directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, Thomas-Louis Côté. Bonjour. Bonjour. Et Thomas-Louis, en fait, on avait envie de prendre un petit 9-10 minutes là, pour faire un petit retour, un petit bilan, puisque, comme à l'habitude, à chaque année, tu vas faire un tour du côté d'Angoulême pour le Festival international de la bande dessinée. 2016 n'était pas une exception. Et en même temps, j'avais envie de te lancer d'emblée parce que j'ai l'impression de loin, tout ce que j'ai entendu d'Angoulême 2016, c'était des controverses, les faux fauves, les faux prix qui ont été remis à la remise de prix, la controverse du sexisme évidemment aussi, avec aucune femme parmi les 30 personnes suggérées au départ comme étant dignes du Grand Prix. Alors, comment ça s'est vécu sur le terrain tout ça? Mais moi, un peu comme toi, dans le fond, avant d'aller en France pour cet événement-là, j'ai vu passer la principale controverse qui était celle des nominés au Grand Prix. C'était assez comique de voir ça aller, parce qu'en même temps, il y a eu peu d'informations qui ont été partagées sur la suite, dans le fond, de ça, parce que si on regarde, au départ, pour résumer, il y a eu, comme à chaque année, une flopée de nominations pour les différents prix, et ce qui a retenu l'attention, c'était le fait que pour le Grand Prix, donc le prix Hommage, il y a eu 30 nominés qui ont été donnés, et il n'y avait aucune femme. Donc, il y a eu un mouvement qui est le regroupement de Widow BD, un regroupement de femmes qui fait de la bande dessinée, qui a dénoncé ça. Par la suite, certains des nominés se sont désistés, donc il y a presque 10 ou 11 personnes qui sur les 30 qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas être associés au prix. Pour s'en sortir, le Festival d'Angoulême a décidé d'ouvrir le vote à tous, au sens où il n'y avait plus de nominés, vous pouvez nommer qui vous voulez. Et de ça est ressorti 3 finalistes, donc qui étaient Alan Moore, Claire Wendling et Herman. Entre-temps, il y a quand même eu un certain moment où il y a eu 6 femmes qui ont été ajoutées à la liste des nominés. Et parmi celles-ci, il y avait Julie Doucet, une Québécoise. Donc, ça, on en a très peu entendu parler ici. Mais c'est pour montrer un peu l'influence internationale qu'a eu Julie Doucet dans sa carrière. Et c'est ça, parmi les 3 nominés qui sont restés, il y en a 2 là-dessus qui se sont prononcés comme ne voulant pas recevoir le prix, donc Claire Wendling et Alan Moore. Et au final, c'est Herman qui l'a reçu. Et le seul qui finalement était ouvert à potentiellement l'avoir. Bien que dans certains articles des années passées, il était mentionné qu'il même lui accepterait pas le prix. Mm-hmm. Donc cette année, ça a été un peu plus flou et finalement tout s'est joué, j'imagine, sur les dernières journées avant la remise du prix. Donc le Grand Prix a été remis à l'ouverture du festival, ce qui est fait depuis 2 ans maintenant, donc à Herman. Fait que c'était un moment quand même assez intéressant d'être là et de voir Herman recevoir le prix à travers de cette controverse, mais recevoir les prix des mains de Otomo, donc quand même une figure marquante du manga. Oui, et tu as eu l'occasion d'ailleurs de l'entendre, Otomo, une conférence, présentation. Oui, Otomo, qui fait de rares sorties, est venu à Angoulême avec un agenda assez léger. C'est-à-dire qu'il y avait peu d'occasions de rencontre de cet auteur-là. Et une des seules occasions, dans le fond, c'était une présentation le samedi. Donc, Akira par Otomo. Donc, Otomo venait raconter un peu la genèse d'Akira, ses influences et sa carrière. De l'entendre lui raconter tout ça, c'était vraiment intéressant. Puis à travers ça, il avait amené lui des photos de son atelier, des photos de historiques longues qui ont été prises tout au long de la création d'Akira. Fait que de l'entendre raconter ses influences au cinéma, comment il a utilisé son rasoir électrique comme modèle pour certains véhicules, d'où venait la moto d'Akira et tout ça, c'était quand même très intéressant. Et tout ça raconté en japonais traduit par la suite, fait que ça a fait une conférence quand même de 2 heures vraiment particulière. C'était un moment unique parce que c'est la première fois que Otomo faisait ce type de conférence-là. Et on était très chanceux. Puis comme Otomo sur place ne donnait pas d'entrevue, il a fait un point de presse uniquement, dans la salle, il y avait beaucoup de journalistes qui sont venus pour la session questions-réponses à la fin. Donc ça a amené quand même presque une demi-heure de questions qui ont poussé les choses encore plus loin, là. Donc vraiment, on se dit, c'est un endroit où il fallait être pendant le festival, parce qu'à l'occasion, justement, Angoulême nous offre des moments littéralement uniques, là, ça, il faut le dire. Oui, c'est ça. À chaque année, il y a différentes rencontres, puis au niveau de la programmation, ils ont quand même réussi plusieurs coups intéressants, entre autres cette rencontre-là, mais il y avait, par exemple, au niveau des expositions, l'exposition Maurice, qui était absolument unique, parce que Maurice a presque pas exposé de planches depuis que de son vivant, puis depuis qu'il est décédé non plus. Donc, les gens du festival et puis du musée de la bande dessinée ont eu accès au fond de la famille et, pour dire, sont allés dans une voûte de banque sélectionner des planches. Et c'était vraiment particulier, je pense, de ce que j'ai entendu. Ils pouvaient uniquement sélectionner les planches dans les albums, donc ils ne pouvaient pas aller fouiller dans les planches pour choisir les plus intéressantes. Il fallait qu'ils arrivent déjà avec leur sélection. Donc, il y avait une centaines et même plus de planches de Maurice qui étaient exposées lors d'une exposition qui nous présentait vraiment de la naissance du personnage jusqu'à la mort de son créateur. Puis tout ça est accompagné aussi d'un petit complément où on voyait les planches de HD et de Mathieu Bonhomme puis de Bouzard qui ont pris la suite. Ben Mathieu Bonhomme puis Bouzard qui font une aventure de Lucky Luke part. Mm-hmm. Mais ça vraiment montrait la maîtrise du dessin puis la qualité de l'œuvre de Maurice. Et parallèlement d'ailleurs côté exposition, il y en avait une assez particulière, enfin une exposition de planches mais pour non-voyants. Oui, ben cette exposition-là était effectivement assez unique. C'était une exposition qui se déroulait dans la pénombre et où les gens étaient invités à venir découvrir les planches, mais en les touchant. Donc, c'était de Diane Manouache. Personnellement, j'ai trouvé le concept plus intéressant que l'exposition, c'est-à-dire que sur papier, c'était quelque chose qui attirait beaucoup la curiosité. Sur place, étant voyant moi-même, c'était un peu difficile de me prêter au jeu, de tâter les planches avec les textures et tout. Mais je serais curieux de revoir cette exposition-là avec justement quelqu'un qui découvre la bande dessinée pour la première fois à travers ça, comme non-voyant. Et t'as vu aussi d'autres expositions, évidemment. Il y en a toujours beaucoup dans la programmation d'Angoulême, que ce soit Hugo Pratt dans ton cas, Tomo, Rizographie et autres. Ouais, ben Hugo Pratt, encore là, c'est un peu dans le même principe que Maurice. Ils ont présenté une exposition qui présentait les planches, les croquis de l'ensemble de la carrière d'Hugo Pratt. Fait qu'il y avait des véritables bijoux. C'était quand même de beaux moments que de prendre le temps de regarder tout le talent d'Hugo Pratt, puis de voir ses différentes phases graphiques, de voir de redécouvrir dans le fond un peu Corto Maltese, ou se donner le goût même de relire au complet la série à travers les différentes planches qui étaient présentées. Et aussi, ben encore là, c'était complété par à la fin avec les planches de Ruben Pellegiero qui a repris la série. Donc c'était beau de voir cette continuité-là dans l'œuvre de Corto de Hugo Pratt, puis de voir ses débuts aussi en Argentine et tout là. Donc il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans cette exposition-là. Et sinon, en terminant peut-être le survol, Thomas Louis, des impressions sur l'ambiance, sur l'état d'esprit, sur le côté festif peut-être aussi de l'événement. Est-ce que tu as retrouvé en 2016 ce que tu avais vécu dans les années précédentes? Ben, je te dirais que c'était différent de par la controverse qui a animé le début de l'événement, la controverse qui a animé durant l'événement, donc la remise des palmes de Chevalier des Arts et des Lettres à certains auteurs. Donc, il y en a plusieurs qui ont refusé par la suite parce que les gens n'étaient même pas avertis donc qu'ils allaient recevoir ça. Et les faux fauves à la fin qui sont venus plomber un peu la fin de l'événement, là. Donc, ça a été particulier pour ça. Mais sinon, c'est certain que c'est toujours une belle occasion de rencontre puis de festoyer avec les gens du milieu, que ce soit éditeurs, auteurs et autres, là. Alors ben, donc comme on dit, un rendez-vous qui demeure incontournable à ton avis. Et oui. En terminant, fait en 10-15 secondes ton bilan, qu'est-ce que t'en retiendrais, toi? Dans le fond, c'est encore la variété, puis c'est plus de voir les controverses qu'il y a eu, c'est des choses qui donnent des leçons pour notre événement aussi, peut-être des choses à éviter, mais je pense pas que des choses comme les faux fauves, c'est des actions qu'on aurait nous entrepris dans notre événement. Donc on est peut-être plus prudent à ce niveau-là. Ah ben voilà, Thomas-Louis Côté, donc je rappelle, directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, merci. Merci à toi. Puis à la prochaine. Au revoir. Ah ben voilà, donc petit regard sur l'édition 2016 d'Angoulême, et nous c'est ainsi qu'on termine l'édition d'aujourd'hui de La Vie en BD. On se retrouve vendredi prochain, entre autres, Gauthier Langin sera avec nous pour parler de Far Out. Alors c'est Raymond Poirier au micro, passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1.